J'suis dans mon périmètre, j'suis dans le bolide frais. C'est mal intérieur, mon négro la zone est quadrillée. Les mongols sont prêts à foutre la merde, les petites sont déjà sécurisées. Chez nous c'est moche avec le privilège, ils sont obligés de se déguiser, sans mépriser. Oh, bien dans le gang on est 13, sauront jamais ce qui s'y passe. Oh, le gars veut plus la petite a recours au base. Oh, no, VIP tranquille on chill, bouteille de Jack et les filles. Yeah, drip, drip on maîtrise, tous les mongols nous ont allumé. Les lumières, on rentre sur la piche. Ce soir le cœur est noir comme un verre à pile. Bah ouais le gang est là, c'est nous les têtes d'affiche. Ce soir ça parle de nous, le reste on s'en fiche. Yeah. Et j'suis dans mon périmètre, et j'suis dans mon périmètre. Et j'suis dans mon périmètre, et j'suis dans mon périmètre. La zone est quadrillée, la zone est quadrillée. Et j'suis dans mon périmètre, et j'suis dans mon périmètre. Calmos, on maîtrise. Hey, t'inquiète, ma petite, c'est free. T'as pas besoin de faire un beat. Hey, ice sur le coup, je brille. Le flow est original. Tu t'amuses, brr, on t'allume fort. Brr, brr. Et je suis dans mon périmètre. Et tu vas te faire griller. Champion, tout est verrouillé. J'arrive, je prends un don Pérignon. On boit sans se soucier. Et demain, c'est férié. Et puis demain, on va te saouler. Et bien sûr, on va recommencer. Allumer les lumières, on rentre sur la piste. Le cœur est noir comme un vrai rapide. Bah ouais le gang est là, c'est nous les têtes d'affiche. Ce soir ça parle de nous, le reste on s'en fiche. Yeah. Et je suis dans mon périmètre, et je suis dans mon